bien attendre. Le temps s'en va, je ne sais plus. Tu n'es plus là. Je voudrais bien pouvoir te prendre, tu le sais bien, mais ne veux rien comprendre. Le temps s'en va, je ne sais plus. Je reste là. Que j'ai les choses dont j'ai rêvé quand je n'en rêve plus.